ses adultères à Rome. Une opinion bien établie, c'est qu'il était très porté au plaisir de l'amour, et n'y épargnait pas la dépense. Il séduisit un très grand nombre de femmes du premier rang, telles que Postumia, femme de Servius Sulpicius, Lollia, femme d'Aulus Gabinius, et Tertulla, femme de Marcus Crassus. On cite aussi Mucia, femme de Cène Pompée. Ce qu'il y a de certain, c'est que l'écurion, père et fils, et beaucoup d'autres, reprochèrent à Pompée d'avoir, dans l'intérêt de son ambition, épousé la fille de celui pour qui il avait répudié une femme, qui lui avait donné 3 enfants, de celui que, dans l'amertume de ses regrets, il avait coutume d'appeler un autre Égiste. Mais il n'aima aucune femme autant que Servilia, mère de Marcus Brutus. Il lui donna, pendant son premier consulat, une perle qui lui avait coûté 6 millions de sesterces. Et à l'époque des guerres civiles, outre les riches présents dont il la combla, il lui fit adjuger à vil prix d'immenses domaines, vendus alors aux enchères. Or, comme on s'étonnait de ce bon marché, Cicéron répondit fort plaisamment. Il est d'autant meilleur qu'on a fait déduction du tiers. On soupçonnait en effet Servilia de favoriser elle-même un commerce d'amour entre sa fille Tertia et César.